Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Répète partout que demain est foutu, qu'il est trop tard et que nous n'avons d'autre choix que de limiter les dégâts. Et à force de l'entendre, nous avons fini par mettre nos rêves en pause pour devenir les simples gestionnaires de notre propre extinction. Pourtant, je reste convaincu d'une chose, l'avenir ne se gère pas, il se rêve. Cette année, on va travailler ensemble à redorer le blason de nos rêves pour en faire des stratégies. Alors bienvenue dans la communauté 2030 Glorieuse et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de l'année. Cette année, le podcast, il continue son évolution. En 2025, on avait parlé des nouvelles abondances, cette année, on va parler de la puissance des rêves et on va questionner à quoi rêvent vraiment les Françaises et les Français. À une époque en particulier où tout semble difficile et où chaque jour, l'actualité nous surprend encore un peu plus, j'allais dire dans le mauvais sens. Moi, je suis persuadé qu'en réalité, on est prêt à aller vers le meilleur. Et c'est d'ailleurs un travail qu'on fait avec l'atelier 2030 Glorieuse depuis quelques années, cadre dans lequel on récolte les rêves des Français. Et c'est fou de voir à quel point nous, on est déjà prêt à aller loin dans le bon sens. C'est une grosse année pour moi puisque l'évolution de ce podcast s'accompagne aussi d'un projet éditorial, un nouveau livre qui va sortir en juin aux éditions du Faubourg pour justement redonner toute sa puissance aux rêves. J'ai envie de questionner le glissement historique, sémantique, politique qui s'est fait ces dernières années, ces dernières décennies, peut-être même ces derniers siècles et qui a terminé par connoter négativement nos rêves. Aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est un rêveur, c'est plutôt une critique qu'un compliment et j'aimerais comprendre comment on va pouvoir arrêter de sous-traiter nos rêves et de les dévaloriser pour enfin faire de ces rêves à nouveau l'étincelle de changements majeurs dont on a besoin au 21e siècle. Et pour que nos rêves reposent sur des fondations solides, ce podcast, il est encore et toujours soutenu par la Nef, mon fidèle partenaire depuis de nombreuses années maintenant. Si vous cherchez à aligner votre argent avec vos idéaux, moi je vous invite à découvrir leur solution sur lanef.com qui est la banque qui finance depuis plus de 30 ans celles et ceux qui construisent les 2030 Glorieuses au présent. Et pour commencer l'année du bon pied, je vais donner la parole à un rêveur émérite, un rêveur, j'allais dire d'élite, puisque j'ai le plaisir de recevoir un homme qui a décidé de ne plus subir les histoires qu'on nous impose. Cet homme, c'est Jean-Pierre Gou. Il est ingénieur, mais il est surtout l'auteur de la saga Siècle Bleu qui se poursuit aujourd'hui avec la Révolution Bleue. Jean-Pierre, il est également le fondateur de One Home et avec lui, nous allons apprendre à décoloniser nos esprits et prendre de la hauteur. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Julien, je suis ravi de te retrouver. Je suis vraiment très, très, très heureux de t'accueillir, Jean-Pierre. On va passer une heure ensemble pour justement questionner cette notion du rêve. Et la première question que je voulais te poser, dans le podcast 2030 Glorieuse, on change un peu nos habitudes puisque cette année, chaque interview commencera par une nouvelle question. Et cette question, c'est quelle est la place du rêve dans ta vie, Jean-Pierre ? Peut-être juste avant de parler de la place du rêve dans ma vie, rebondir sur ce que tu disais sur... La place que l'on donne aux rêves aujourd'hui. En fait, le mot rêveur est presque devenu un mot péjoratif parce qu'un rêveur, c'est quelqu'un qui n'est pas concret, qui n'est pas un pragmatique et on oppose souvent les rêveurs aux pragmatiques. Alors qu'en fait, si on regarde de manière lucide la réalité, tout le réel autour de nous, tout le conceptuel qui régit le monde sont des rêves qui sont réalisés. Cet ordinateur face auquel je m'exprime, le programme qui va décrypter notre conversation, la chaise sur laquelle je suis assis, le pull que je porte, en fait tout ça, ce sont des gens qui sont allés au bout de leurs rêves et qui ont amené des choses dans le réel. Donc si on veut changer le monde, la plus grande force, c'est tous les rêves qui sont latents, ces rêves qui ne sont pas encore réalisés, et notamment tous les rêves qui sont au service, je dirais, de l'humanité et de la Terre. En fait, moi, c'est cela qui m'intéresse et qui pourrait participer à réharmoniser le monde. Donc, la plus grande force de transformation qu'on a, ce sont ces rêves inassouvis. Et aujourd'hui, on est dans une période très difficile, comme tu disais, qui nous empêche presque de rêver. Un, parce qu'on est peut-être critiqué, et deux, parce qu'on n'ose plus. Mais on est dans une époque où il n'y a que en rêvant ensemble et en s'entraidant pour réaliser nos rêves, en croisant nos forces, qu'on pourra réussir. Ça, c'est dit. Merci Jean-Pierre pour le fait d'appuyer mon introduction. Je savais que toi, tu étais vraiment à fond sur ces sujets et que ça allait te parler. Mais du coup, je reviens à cette question quand même. Tu lui donnes quelle place, toi, au rêve dans ta vie? J'allais y revenir. Donc, alors dans ma vie, moi, je fais partie des rêvasseurs, tu vois, des rêveurs. Depuis que je suis tout petit, on me dit toujours que j'ai la tête dans la lune et que je suis en train de rêvasser. Et moi, j'autoproclame l'importance fondamentale de rêvasser, c'est-à-dire de lâcher de temps en temps le présent, les contraintes qui nous sont données, pour s'échapper et imaginer autre chose, quoi. Pour soi, pour le monde, pour nos proches. Donc moi, ça a toujours eu une importance extraordinaire. Et je pense que ça commence dès l'enfance. C'est-à-dire, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans ce monde. J'ai toujours trouvé ça comme un échappatoire, ou en tout cas comme un levier pour me dire les choses pourraient être autrement, et d'essayer après de réaliser ses rêves pour, à ma petite échelle, d'essayer que les choses soient autrement. Donc le rêve a toujours eu une importance absolument colossale dans ma vie et continue en avoir une très importante. Donc si on parcourt, tu sais, tous tes carnets d'école et les notes de fin d'année, on voyait, bon élève, mais toujours dans la lune. Tête en Alors, l'air, pas dans ce les genre carnets de choses. De notes, c'était plutôt mon attitude dans le monde. Tu vois, dans les carnets de notes, j'avais plutôt bavard que rêveur. ça, c'est une autre caractéristique. C'est que, tu vois, moi, je suis toujours un peu là et pas là, quoi. Et je pense que l'écriture a renforcé ce sentiment, à la fois d'être très là, présent dans le monde. Moi, je vis dans mon temps, etc. Et même si on vit des époques difficiles, je trouve que c'est une époque qui est absolument passionnante, dans laquelle on vit, où tout est possible, le pire comme le meilleur. Mais voilà, j'ai ce refuge dans les rêves ou dans l'écriture qui est maintenant qui prend une place significative dans ma vie. Tu as commencé à en parler un petit peu de ton enfance et parfois ton refus de subir certaines situations. Est-ce que tu te souviens de ton premier geste d'indiscipline intellectuelle quand on t'a dit voilà, c'est comme ça ou c'est foutu, le futur de toute manière, tes rêves, laisse-les tomber? Il y a un moment où tu t'es rebellé comme ça? Oui, il y a eu des moments. Enfin, moi, je me rappelle quand on est sorti d'école d'ingénieur, tout le monde se disait bon, bah voilà, ça y est, maintenant on rentre dans l'époque où on va travailler voilà. Et moi, j'étais pas du tout. Moi, pour moi, c'était toujours une phase d'expérimentation. Donc déjà, moi, j'ai commencé à faire de la recherche en mathématiques parce que je voulais pas commencer à travailler, mettre un costard, etc. Parce que pour moi, la période d'apprentissage durait toujours. Et donc ça a été, je dirais, un premier refus, c'est-à-dire de jouer à ce jeu, et puis après quand même d'y jouer parce que les recherches que j'ai fait en mathématiques m'a donné des idées et qui ont permis de construire ou d'aider à construire certaines entreprises, et je trouve que le système économique est toujours très intéressant pour pouvoir aussi changer le monde et pas que le détériorer, j'ai toujours mis cette espèce de résistance, surtout voilà après mes études, à essayer d'amener une part de rêve dans toutes mes activités, et qu'elles soient professionnelles, associatives, écriture, et cette indiscipline qui est de dire on n'est pas obligé de faire des entreprises ou des bouquins qui se finissent, enfin des entreprises qui détruisent le monde, on n'est pas obligé d'écrire des bouquins qui se finissent mal, on n'est pas obligé de créer des ONG qui résolvent des problèmes mais qui peuvent juste aussi créer de l'émerveillement. En fait, il y a toujours une forme d'indiscipline pour essayer de trouver d'autres manières d'agir. Mais l'indiscipline n'est pas une fin en soi. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas avoir des ennemis, je fais jamais les choses contre, je fais plutôt les choses pour, et c'est ce qui, pour l'instant, fait qu'il n'y a pas trop d'ennemis sur les trucs que je propose, parce que j'essaie d'être toujours très vigilant à pas blesser des gens, et ça, c'est une posture pour essayer de faire bouger le système. L'épisode numéro 1 des 2030 Glorieuses, c'était avec un maître composteur. Et là, tu vois, pour cette nouvelle saison, j'ai l'impression que je te donne la parole à toi, maître rêveur. Je ne sais pas si ça te va, ce qualificatif. Je ne sais pas si le mot de maître me va, mais le mot de rêveur me va. Parce que j'imagine le nombre de personnes qui a dû te dire « Non mais arrête Jean-Pierre, tu rêves, parce que c'est impossible, tu vois, t'es mathématicien, tu vas pas écrire un roman. » Et pourtant, au début des années 2000, paf, tu te lances, écriture du siècle bleu. Tu publies la suite, là, maintenant, avec le tome 2 qui est sorti l'année dernière, « La clé des songes », c'est la suite de « La révolution bleue ». Et là, c'est, je livre quelques pépites à peine de ce qui est supposément un peu une sorte de suite au Petit Prince, puisque toi tu parles de la petite princesse, t'as réussi à embarquer tous les ayants droit de Saint-Ex et tout, enfin bref, à chaque fois que tu nous racontes tes histoires, on se dit mais le mec est, ça y est, dans le bureau d'Yves Klein, enfin bref, enfin, c'est toujours des histoires de fous que tu nous racontes sur les réseaux sociaux, j'adore suivre ça. Donc on va dire que vraiment tu rêves en grand, et j'ai eu l'occasion là pour la sortie de ton dernier livre d'écouter la conférence que t'as enregistrée, que tu diffuses maintenant sur YouTube. J'ai l'impression que tu as quand même une foi infinie dans le futur, parce que tu sais que aussi raconter ces futurs différents, c'est les faire déjà un peu advenir. Et à la fois, tu le disais, à l'époque, elle est difficile. Comment tu arrives à manager un peu ce retour au présent qu'on nous impose de temps en temps? Alors, je ne sais pas si j'ai un optimisme ou une forme de positivisme absolu, parce que je suis touché comme tout le monde. Mais il y a une espèce de phrase qui me guide, et d'ailleurs qui est une des premières phrases du héros Abel dans La Petite Princesse, qui est le premier tome de Révolution Bleue. Il y a un moment où une journaliste lui dit « Mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible la Révolution Bleue ?» Donc la Révolution Bleue, c'est le processus par lequel on fait une transition écologique réussie à l'échelle du monde. Quoi. Juste ça. il la regarde et lui dit « C'est pas la bonne question en fait. La bonne question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire ?» pour faire que cette révolution bleue se fasse. Parce que, en fait, si on passe notre temps à se dire est-ce que c'est possible ou pas, on va débattre, et dans ce cas-là, si on n'agit pas, le truc ne se produit pas. Je dirais, moi, ma seule contribution, c'est d'essayer d'amener des petites pierres à l'édifice, quoi. Je ne sais pas ce que les autres vont faire. Si ces petites pierres peuvent en inspirer d'autres, c'est génial. Mais en tout cas, moi, je commence par agir et d'amener ce que je peux amener à mon échelle vis-à-vis de qui je suis, de plus beau au monde, tu vois, et de plus utile. Je suis dans cette recherche-là. Je dirais que c'est vraiment ça l'essence de ma philosophie. Après, ce que devient le monde, aujourd'hui, on a plutôt un monde qui a tendance à s'écarter par rapport à ce que je raconte dans mes livres, malheureusement. Mais parfois, on dit c'est reculer pour mieux sauter. Et moi, je crois beaucoup à ce concept que j'avais justement aussi développé dans La Petite Princesse, le premier tome de La Révolution Bleue, qui est un concept jungien qui s'appelle l'énianthrodromie. C'est un mot un peu barbare, mais qui décrit des systèmes de potentiel. C'est-à-dire que à partir du moment où vous crée de l'oppression sur les gens, se crée un potentiel de changement qui est immense, et il peut y avoir des événements qui font basculer les choses et qui viennent exploiter ce potentiel pour activer quelque chose de complètement autre. Donc, rien n'est acquis, quoi. Et par contre, ce qu'il faut, c'est continuer à créer du potentiel, parce que ce potentiel, on va dire, de vouloir changer de monde parce qu'on est trop oppressé, s'il n'y a rien pour le nourrir, c'est-à-dire une fois que les gens sont dans la rue et se révolutionnent, le système d'après peut être pire. Et par exemple, je m'interrogeais toujours sur la résistance et l'état d'esprit des gens qui ont rédigé dans le Conseil national de la résistance leurs idées à un moment où on était encore envahis par les nazis en France, et ils ont posé toutes les bases d'un système social français à une époque où on n'avait pas d'autre chose à penser que sa propre survie. Moi, j'essaye de me dire, tiens, et c'est ce que vous faites vous aussi avec 2030 Glorieuses, on crée des graines de possibles, des graines de souhaitables. Hein. Nous, on s'est rencontrés tous les deux à l'Institut des futurs souhaitables, Julien. Des graines de souhaitables qui demandent qu'à germer. Moi, je crée mes petites noisettes et puis elles sont à partager par tout le monde. Et donc tu dis que le rêve, il vient nourrir ensuite cette mise en mouvement. Il a besoin d'être là parce que sinon, comme tu le dis, quand on a envie de passer à l'action, on se réveille, on se révèle un peu à nous-mêmes, bah, on a besoin de savoir vers où, quel cap. On le voit bien, ouais, exactement. On le voit bien dans la politique en France. Aujourd'hui, il y a vraiment un problème d'offre politique. Et donc, les gens, ils en ont marre. Et on peut comprendre qu'ils en aient marre. Mais du coup, ils vont aller probablement voter vers pire que... mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, j'espère que d'ici aux élections, l'année prochaine, il y aura d'autres candidats qui vont émerger avec d'autres types de propositions vraiment révolutionnaires. Et pas au sens de Juan Branco, mais au sens de nous faire voilà, un saut en conscience et en organisation et sur la manière de représenter le monde. Et d'ailleurs, ma petite pierre à l'édifice de 2027, c'était dans la Clé des songes, là, le tome 2, il y a une présidente qui est élue élue selon un programme de la Révolution bleue, et je détaille un peu ce que pourrait être France-là, et peut-être que ça résonnera avec les rêves des Français que tu as collectés par ailleurs. En tout cas, moi, ça me semblait très important de proposer une vision un peu politique du rêve et de dépasser le cadre de ma seule action. Et c'est ça qui est génial, c'est que dans le bouquin, je peux agir à très grand niveau, mais bon, ça reste dans un monde virtuel qui est celui du roman. Mais je crois que la cohérence qu'on crée dans un roman, elle peut avoir un impact, en tout cas sur... l'harmonisation qu'on peut avoir dans le monde. Ouais, tu parles des rêves et des politiques. J'ai l'impression qu'on leur a un peu sous-traité notre capacité à rêver et que malheureusement, du côté de ce qu'on appelle la gauche, on a un peu arrêté de rêver. On s'est d'une certaine manière limité à seulement défendre nos acquis et effectivement protéger tout ce qu'on a réussi à avoir au sortir de la Seconde Guerre mondiale en termes de santé, en termes d'éducation, de travail notamment, et que ça manque de souffle. Et donc, c'est un peu la question que j'avais pour toi ensuite, c'est comment on redore le blason du rêve, Jean-Pierre. Et c'est notamment pour ça que je veux te poser cette question à toi, parce que tu le disais, le tome 2 de La Révolution bleue, il s'appelle La Clé des songes. Tu as vraiment creusé sur cette question de rêve, sur cette question de songe. J'avais presque envie de te demander de nous faire une brève histoire du rêve. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as réussi à trouver, même dénicher? Tu as lu des livres clés sur ces sujets, tu es remonté loin. Ouais, je suis remonté loin parce que, en fait, ça faisait longtemps que je voulais écrire un bouquin sur les rêves et sur le pouvoir de transformation qu'ont les rêves, et de clarifier cette notion et surtout de la mettre en musique dans un roman, puisque c'est pas un essai sur les rêves, c'est vraiment un roman où les héros utilisent le pouvoir du rêve pour justement faire réussir cette révolution bleue. Le premier tome, la petite princesse, c'était vraiment sur le pouvoir du cœur. Là, c'est sur le pouvoir des rêves. Et dans les rêves, bon, il y a deux dimensions du rêve. Il y a une dimension nocturne et une dimension diurne. Et pour moi, c'est un peu la même. C'est-à-dire que dans la dimension nocturne, il y a des clés qui nous sont livrées de manière très archétypale, symbolique. Et depuis longtemps, on ne prête plus attention dans le monde occidental. Sauf si on s'intéresse vraiment à ce sujet ou qu'on fait une psychanalyse, on s'intéresse pas à ce qu'il y a dans les rêves. Et la Clé des songes, ça démarre par une citation d'Alexandre Grothendieck, qui est un mathématicien qui a écrit justement un livre qui s'appelle La Clé des songes. Et c'est une partie de l'intrigue, le lien entre ma Clé des songes et sa Clé des songes. Moi, j'aime bien toujours ces mises en main abîme. Et Grothendieck, il disait « Bannir le rêve, c'est bannir la source ». C'est-à-dire que l'essence dans laquelle puisent les rêves nocturnes, c'est ce que les religions appellent Dieu, ce que les peuples autochtones appellent le grand esprit. C'est une espèce de conscience cosmique dans laquelle on pourrait avoir accédé à certaines vérités. Et il y a des vérités qui sont révélées dans les rêves, qui peuvent nous aider dans nos vies. Et je pense que ces vérités, elles, ou en tout cas ces messages, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a une dimension personnelle, il y a une dimension qui est collective pour l'humanité. Et derrière ça, il y a même probablement une sous-couche encore plus large qui est le rêve de la Terre et peut-être même le rêve du cosmos, quoi, derrière. Donc, il y a une espèce de hiérarchisation des rêves. Et plus on écoute profondément ces rêves, plus on peut capter ces dimensions. Et je pense que dans nos rêves, il y a à la fois, alors on met les mots qu'on veut, presque un... Grothendieck dit que pendant la nuit, c'est là où l'âme va à la source, c'est là où elle va s'abreuver. Donc on a, je dirais, notre existence dans le monde réel, et puis il y a un peu notre essence, donc on peut appeler ça âme ou autre chose, et cette essence, elle est beaucoup plus haute, beaucoup plus intemporelle. Et dans la nuit, il y a des choses qui viennent l'aider, donc c'est très important de capter ça. Quand on arrive à bien lire ces choses qui sont la nuit, ces espèces de forces qui peuvent nous porter, et qu'on les aligne avec nos projets, donc qui sont nos rêves diurnes, tu vois, qui est dans mon cas d'écrire un roman, de faire One Home, dans ton cas c'est d'écrire ton prochain bouquin, de déployer les 2030 glorieuses. Mais ces rêves, on voit bien qu'ils sont alignés avec quelque chose de très profond en toi ou en moi, ou en tous ceux qui nous écoutent, une espèce de volonté. Et cette volonté, elle n'est pas que personnelle, elle est au service parce que derrière nous, en fait, l'humanité est un peu dans une impasse. Je pense que le fond d'inconscient collectif murmure des solutions. Et donc, on reçoit tous une partie du puzzle. Et c'est en agrégeant ces parties du puzzle qu'on peut créer le grand rêve. Personne peut créer le grand rêve, et qui permettrait de surmonter cette époque, d'y faire face, et à la fois de résoudre les problèmes de limites planétaires et de paix entre les êtres humains, parce que moi, c'est les deux questions qui m'occupent. Donc, c'est ça un petit peu que je voulais dire. Et dans l'histoire, en fait, des rêves, comme je disais, aujourd'hui, on écoute peu les rêves. On considère que la nuit, ben, on dort, on se repose, mais il n'y a pas que ça. Et alors que dans certaines peuplades, dans certaines régions du monde et à certaines époques, on écoutait vraiment les rêves pour les décrypter. Et il y avait des gens qui avaient créé des manuels qu'on appelle des clés des sons, justement, pour essayer de décrypter ces rêves et de les rendre les plus utiles possibles. Pour certains, c'était divinatoire, d'autres, c'était des manifestations divines, divinatoire, d'autres prémonitoires. Certains y voyaient même des indications pour savoir quand est-ce qu'il fallait attaquer ou pas. Tous, on a des rêves différents. En tout cas, il y a quelque chose d'énorme à éclairer sur nos rêves de la nuit pour donner de la force à nos rêves du jour. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire dans La Clé des songes, de faire un roman qui parle des deux, c'est-à-dire de cette révolution bleue au quotidien et de ce qui est en train d'agir dans l'inconscient collectif. Ça, c'était une autre chose que je voulais résoudre avec ce livre, c'était d'explorer la dimension inconsciente dans les stratégies du changement. Parce que toutes les stratégies du changement qu'on teste aujourd'hui, elles sont basées sur le conscient, mais on sait bien que nos gestes conscients sont drivés par des programmes inconscients qu'on appelle des croyances, et ces croyances sont elles-mêmes drivées par quelque chose de plus haut qu'on appelle des visions du monde. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'agir sur les visions du monde, parce qu'une fois qu'on a changé la vision du monde de quelqu'un, les croyances changent et les habitudes changent sans plus rien faire. Et donc, d'essayer de trouver de l'efficacité dans ces stratégies inconscientes. C'était une longue réponse, voilà, non, elle était à plusieurs niveaux, elle était très complète, Jean-Pierre, merci. Et je reste sur cette vision du monde, parce qu'en fait, toi, justement, pour aider, accompagner les gens à mieux voir le monde, tu leur as fait regarder notre planète. Est-ce que tu peux parler de l'overview effect? Parce que j'ai l'impression qu'en général, quand tu parles de rêve, pas très loin, tu parles d'amour. Et je me rappelle que lors de notre dernier entretien, puisque tu es déjà passé dans les 2030 Glorieuses, la première saison, ça date un peu, tu nous avais dit qu'en réalité, la Terre, elle n'avait pas besoin d'être sauvée, elle avait juste besoin d'être aimée, rien que ça. Quel lien tu fais, toi, entre le rêve et l'amour? Ouais, alors je vais faire le lien entre le rêve et l'amour, mais d'abord, je vais préciser cette notion de vision du monde. Vision du monde, ça peut presque paraître être une phrase à l'emporte-pièce. Bon, c'est la manière dont on regarde le monde. En fait, quand on se réveille le matin, on a un prisme où les premières croyances se manifestent. Et aujourd'hui, quand on se réveille le matin, on regarde le monde avec trois illusions, qui est que le monde est infini, qui est que le monde est inerte, et qui est que le monde est séparé, les choses sont séparées. Alors qu'en fait, le monde est fini, le monde est vivant et le monde est interconnecté. Et on n'arrive pas à voir ça dans nos yeux. Et si on se réveillait en regardant le monde avec ce prisme-là, avec ces lunettes-là, en fait, tout changerait parce que sa finitude, ça nous oblige à mettre une limite dans nos gestes. Le fait qu'il soit vivant fait que on est dans une interaction perpétuelle avec le monde et on n'a pas un monde qui est indolore face à nos actions. Et donc, tous ces éléments et l'interconnexion fait que nos actions sur une partie du système jouent sur une autre partie du système et les liens prendraient plus de valeur que les choses et les êtres. Et ça, ça serait quelque chose de complètement fondamental. Donc, pour moi, c'est ça le changement de paradigme que je voudrais amener, c'est d'arriver à changer les lunettes pour regarder le monde de cette manière-là. Et pour ça, et je vais faire le lien avec One Home maintenant, on vit une des difficultés, c'est que à notre échelle d'un être humain qui fait entre 1,50 m et 2 m, on va dire, le fait que le monde soit fini, interconnecté, etc., et vivant, ben, on ne le voit pas du tout. Et pour ça, il faut faire un dézoom dans l'espace. Et les premiers à s'être rendu compte de ça, c'est les astronautes. Et quand ils ont vu la Terre, bon, ils ont été émerveillés par sa beauté, mais surtout, ils ont compris ça de manière inconsciente. Hein, c'est qu'on vit à l'intérieur d'un être vivant, on vit à l'intérieur de la biosphère, Gaïa, et qui a toutes les caractéristiques que je viens de mentionner. Donc, il fallait s'extraire pour pouvoir voir le monde. Et en fait, le projet One Home, il montre des images uniques de la Terre qui viennent d'1,5 million de kilomètres d'un point qui s'appelle le point de Lagrange, d'un satellite qui est le seul à prendre 10 photos tout éclairées de la Terre. Et à partir de ces photos, nous, on a fait des vidéos 4K de la Terre tout éclairée. Et c'est la première fois où les humains voient la Terre tout éclairée qui tourne avec des images réelles. Et c'est la première fois où la Terre, à travers ce projet, se voit aussi sous tous les angles. Donc, c'est un projet qui est majeur dans l'évolution et dans l'évolution de nos consciences. Et quand on accompagne, en fait, ces images de musique particulière, on peut provoquer des ouvertures de cœur, des changements de conscience, presque même une expérience extatique, une expérience presque psychédélique de dissolution de l'ego, où on se sent plongé dans cette Terre et on vit ce que les astronautes ont appelé l'overview effect. Et si vous allez sur le site onehome.org, onehome.org, toutes les vidéos sont disponibles gratuitement et surtout, vous pouvez les montrer autour de vous, dans vos entreprises, dans vos ateliers 2030 glorieuses. Et une fois que vous avez fait une projection, si vous êtes plus de 10 personnes, vous pouvez enregistrer sur une carte qu'on appelait la carte de la Révolution bleue, votre projection. Et on a lancé un défi qui est de montrer One Home dans plus de 100 pays. Là, pour l'instant, on en est à une cinquantaine. Il y a eu plus de 250 projections dans le monde qui ont eu lieu. Et voilà, ça augmente chaque jour. Et donc, je vous invite à faire cette expérience. Et cette expérience, elle participe à ce changement de regard. Et ce changement de regard, il passe pas que par les yeux. Et là, on revient au Petit Prince. Le Petit Prince nous disait « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » En fait, ce projet, c'est essentiellement un projet pour montrer la Terre avec le cœur, pour nous amener à voir la Terre avec le cœur plus qu'avec les yeux. L'énergie d'amour est une énergie fondamentale et aujourd'hui, c'est l'énergie la plus importante avec celle des rêves pour à la fois résister et déployer un autre monde parce que l'énergie d'amour, c'est l'énergie d'union. Et aujourd'hui, on a des forces de division très fortes qui sont à l'œuvre et si on veut les contrebalancer, il faut s'unir et s'unir vraiment par la forme d'amour la plus haute qui est l'agapé, qui est l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et c'est lui qui, dans la Révolution bleue, relie les gens entre eux dans ce mouvement. Et entre eux, ils ont l'air tellement heureux et résilients que ça donne envie aux autres de venir les rejoindre. Et si vous pouvez vous faire ce cadeau dès aujourd'hui, vous écoutez l'épisode, vous allez ensuite... c'est sûr que sur le téléphone, c'est un peu moins impressionnant que sur un grand écran, mais faites-le le soir, là, si jamais vous allez commencer une série ou je sais pas quoi, prenez les 5-10 minutes pour regarder une ou deux vidéos sur YouTube, directement sur le site de One Home. Moi, je l'ai fait avec ma famille, je l'ai fait avec mes amis, je l'ai fait forcément plus plus on est nombreux, plus c'est grand, plus il y a un truc qui se passe. Je me rappelle l'avoir fait avec émotion à la Gaîté Lyrique pour un événement de l'Institut des Futurs Souhaitables. Au moment où je venais juste de rentrer des Philippines, il y avait Frédéric Lopez qui animait cette journée et on avait regardé ensemble la Terre tourner. C'était absolument magnifique. Donc faites-vous ce cadeau sans attendre. J'ai deux dernières questions pour toi, Jean-Pierre, avant qu'on parte en 2030 glorieuse. Tu disais qu'on avait besoin de regarder depuis très loin, qu'on porte le regard à plusieurs milliers de kilomètres, et à la fois j'ai l'impression que toute notre époque, elle nous force à regarder devant nous à quelques centimètres. Je parlais des téléphones tout à l'heure, mais c'est l'immédiateté, l'urgence, et les algorithmes de Netflix viennent brider encore nos rêves. Comment toi tu protèges tes rêves face à ces moyens qui sont colossaux? On parle de dizaines, de centaines de milliards d'années investis chaque année pour brider nos rêves. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est brider nos rêves. En tout cas, il y a une forme de lassitude de nos regards, de formatage, effectivement. Bon, moi, déjà, il y a une espèce de mécanique, rien que dans le travail, je dirais que One Home, je dézoome dans l'espace, et la Révolution Bleue, je dézoome dans le temps, tu vois, sur l'espèce humaine, et de regarder, en fait, ce qui est en train de se passer, non pas à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, et de savoir quel est le prochain pays que Trump va envahir, quoi. Bon, ça, c'est important, mais derrière, de voir qu'est-ce qui se joue. Et moi, les deux penseurs du temps long qui m'inspire, c'est Saint-Exupéry et Teilhard de Chardin. Et si on prend Teilhard, il était vraiment pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, et ça l'empêchait pas d'imaginer ce vers quoi l'humanité allait se développer, qui était vers l'émergence d'une conscience planétaire. Et cette idée, moi, elle est au cœur de tous mes romans. Et donc, j'essaye de garder ça, de prendre le temps parfois, de prendre un pas de recul sur l'histoire, en me disant qu'est-ce qui est en train de se jouer derrière ça, quelles sont les forces à l'œuvre beaucoup plus longues, les forces d'évolution, les forces en marche, pour pouvoir non pas être dans l'immédiateté, mais d'essayer de retrouver des lignes de force extrêmement puissantes qui existent et de reconnecter le destin de l'humanité à ces grandes forces d'évolution. Et tout le concept que je développe dans le bouquin d'Homo Bioceris, c'est-à-dire que l'humanité serait en train de s'unir pour former un grand méta-organisme symbolisé par le Petit Prince, qui soit un nouvel organe de la biosphère. Et donc cette idée-là, en fait, elle n'est pas du tout visible aujourd'hui, mais quand je le raconte en conférence, en fait, ça plaît aux gens. D'ailleurs, je vais certainement écrire un livre là-dessus, sur Homo Bioceris, avant d'écrire le tome 3, pour poser ce concept-là qui me semble important et lui donner plus de force encore, quoi. Donc ça me paraît important. Et pour résister à ces algorithmes, alors moi déjà je regarde quasiment rien comme série, ou je regarde juste des films et je vais plutôt au cinéma, donc je me laisse pas polluer mes imaginaires par des imaginaires qui me plaisent pas. Je ne regarde jamais de films apocalyptique, etc., parce que ça a tendance à me stresser et justement à tuer ma capacité à rêver, donc j'en prends soin. Et voilà. Par contre, un peu comme tout le monde, je regarde beaucoup l'actualité, et ça tue ma faculté à rêver, mais ça aussi, je me nourris. Et je le fais non pas par fascination des éléments noirs de l'actualité, mais de me dire, il faut que mes utopies puissent résister à ça. Et là, j'avoue qu'en ce moment, là, il va falloir rehausser mes rêves. Et moi, je prends tout ce qui se passe dans l'actualité comme une invitation à rehausser nos rêves plutôt qu'à les abandonner. Merci pour ça, Jean-Pierre. On va faire un test. On va essayer ensemble de lier nos rêves nocturnes avec nos rêves diurnes. Si jamais tu avais le pouvoir de susurrer les rêves à l'oreille, j'allais dire, des gens, pour que demain, on puisse aller bien plus vite vers les 2030 glorieuses. Alors bien sûr, là, toutes les personnes qui nous écoutent vont faire cette expérience en laissant enfin le téléphone hors de la chambre. Moi, ça fait quelques mois là maintenant, peut-être quelques années que je fais ça, et c'est vraiment peut-être la plus grande décision que j'ai jamais prise, parce que de se faire laisser avoir tout de suite, se faire avoir par l'écran, c'est le piège justement. Je trouve que ça coupe tout de suite l'inspiration, ça coupe tout de suite l'énergie du rêve nocturne. Et donc toi, tu leur susurrerais un rêve à ces gens, ça serait quoi? je crois que tous les rêves sont très personnels, donc moi, je susurrerai pas un rêve. Par contre, ce qu'on peut susurrer, c'est un grand projet à l'échelle de l'humanité, de voir ce que chacun peut faire dans ce rêve. Donc, ce rêve, c'est ce rêve d'Homo biosphéris, que l'humanité est en train de s'unir, malgré toutes les divisions qu'il y a, est en train de s'intégrer à la biosphère pour l'enrichir à la fois en beauté, en connaissance, en résilience. Et donc, le rêve que je susurrerais, ça serait vraiment de vous connaître, de savoir qui vous êtes en fonction de vos passions, en fonction de vos traumas, en fonction de vos... à la fois ce qui vous excite et ce qui fait peur, ce qui vous définit, pour savoir comment vous pouvez contribuer à ce grand projet d'évolution humaine. On va partir en 2030, Gloss, tu nous raconteras à quoi ça ressemble, ce grand projet d'évolution humaine. Avant ça, il y a une petite bulle d'inspiration, et ça marche bien avec toi, Jean-Pierre, puisque ça se fait dans les livres. Les livres, c'est le temps long. Les livres, c'est un véhicule qui nous met en mouvement, dans lequel on est acteur de l'histoire qui est en train de nous traverser et qui nous change à tout jamais. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'utopie, beaucoup de rêves dans les histoires qui peuplent nos bibliothèques. J'aimerais bien que tu nous lises quelques minutes d'un des passages clés de tes derniers livres pour justement nous faire rêver et pour qu'on aille encore plus facilement vers ces 2030 glorieux, s'il te plaît. Donc là je vais vous lire un passage de La Clé des songes, à un moment clé du livre où l'humanité a organisé un grand débat citoyen planétaire, et c'est un petit clin d'œil à mon ami Yves Mathieu, qui gère l'entreprise La Mission Publique et qui organise des grands débats planétaires. C'était lié à une discussion avec lui que j'ai écrit ce chapitre. Et donc, l'humanité fait un grand débat planétaire pour déterminer quelles sont les missions de l'humanité vis-à-vis de la biosphère. C'est un texte qui n'existe pas aujourd'hui, qu'on appelle la charte d'Homo biosphéris. Et avant de publier ce texte dans le livre, l'héroïne Lucie s'exprime justement sur Homo biosphéris, sur ce collectif humain planétaire et sur pourquoi il est possible. Cela peut vous paraître surprenant, mais au départ, la France, les États-Unis, la Chine, l'Italie n'existaient pas. Ces nations ont été élaborées autour d'une identité nouvelle et de symboles forts. Drapeaux, hymnes, devises, héros, récits nationaux, constitutions, mascottes, mythes fondateurs, expériences initiatiques, dates clés, lieux, pour façonner l'inconscient collectif. L'idée de nation n'est autre qu'un égrégore. Le sentiment d'appartenance ne s'est pas bâti en un jour. Il a progressivement rassemblé les esprits, tout en préservant les cultes anciens et les attachements locaux. C'est dans la diversité que nous ferons briller l'humanité et la biosphère dans le cosmos. Homo sapiens est parvenu à créer des états-nations de plus d'un milliard d'individus. L'heure est maintenant venue de faire un à l'échelle de la Terre. Nous disposons de tous les ingrédients nécessaires pour forger cette identité planétaire. Les chocs émotionnels que nous traversons et l'amour que nous vouons à Paul Garner en favoriseront l'émergence. La tentation de rester isolé face aux limites planétaires est cependant compréhensible. Le chacun pour soi ne nous tirera pourtant pas d'affaire. Tous ensemble, nous avons une histoire plus robuste et surtout bien plus belle à écrire. Le Petit Prince va nous aider à développer ce que nous avons de meilleur, de façon à faire naître cette humanité unie à laquelle ce songe commun nous a préparés. Cette journée est peut-être la plus importante de notre histoire. Quelles seront les missions retenues? Comme vous, j'ai hâte de les découvrir. Allez, le lien est fait. fait avec les 2030 glorieuses de Jean-Pierre. Merci pour cette lecture. On y est, on va prendre de la hauteur, on va voyager dans le futur ensemble. Tu sais que l'exercice consiste à parler du futur au présent. Je le redis pour les personnes qui découvriraient le podcast et cet exercice pour la première fois. Donc on va voyager en 2030 glorieuses. Les 2030 glorieuses, c'est une ère qui s'ouvre, donc c'est pas forcément en 2030, ça peut être en 2035, en 2037, en 2042. 2030, si toi ça te va, moi aussi ça me va. Et donc on va en parler au présent comme si c'était une évidence, comme si c'était devant nos yeux. On y sera tous les deux, Jean-Pierre, et donc les personnes qui vont, elles, nous écouter resteront en 2026. Et donc on a besoin qu'on soit le plus précis, avec le plus de détails, le plus de textures, le plus de couleurs, pour que les personnes, elles soient un peu comme si elles voyageaient avec nous, comme si elles étaient sur nos épaules. On va s'autoriser à rêver en grand, et ça, je sais que toi, c'est un exercice qui te plaît. Je me rappelle encore avec beaucoup de plaisir du dernier voyage en 2030 glorieuse qu'on avait fait ensemble. La première question que je te pose maintenant qu'on y est, Jean-Pierre, c'est toi, là, dans tes 2030 glorieuses, où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu vois ? Là, je suis dans l'usine de compostage de Paris, dans lequel on recycle tous les déchets, mais il n'y a plus vraiment de déchets. On recycle toutes les ressources biologiques de tous les objets des Parisiens. Qu'est-ce que tu fais là-bas, Jean-Pierre ? Je ne m'attendais pas à cette réponse. Ah ben là, je suis allé visiter la toute dernière usine, et en fait, il y a plus de décharges à ciel ouvert autour de Paris, puisque maintenant tout est recyclé. Et là, justement, on fêtait le dernier déchet réel qui avait été enfoui la semaine dernière. Et donc là, j'étais à une célébration de ce nouveau monde. Ah, trop bien. On est en 2030 glorieuse. Toi, tu appelais à la révolution bleue. Elle a eu lieu. Qu'est-ce que ça change au quotidien, à part cette grande célébration du dernier déchet ? Ce que ça change au quotidien, c'est que enfin, on voit le monde autrement, et on est tous à se dire mais pourquoi est-ce qu'on avait ces vieilles lunettes d'avant ? Et le fait de se dire que le monde est fini, que le monde est vivant et que le monde est interconnecté, depuis qu'on a compris ça, on voit la vie en bleu. C'est pas la vie en rose, on voit la vie en bleu. Et tous les problèmes qui nous semblaient insurmontables sont en voie d'être surmontés, comme celui des déchets à Paris. Il y a encore des tas d'autres villes en France et dans le monde il faut continuer le déploiement de ces idées. Mais cette nouvelle croyance, cette nouvelle manière de regarder le monde nous a complètement changé. Les uns les autres, et on ne comprend pas comment on a pu regarder le monde autrement qu'avec le cœur. Oui, c'est souvent comme ça, hein. Tu sais, on passe des années à se dire non mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais, et puis en fait ça va quand même poser plein de problèmes, et puis patati, et puis patata, et puis une fois qu'on y est, on a l'impression que c'est évident, et quelques jours après, plus personne ne le questionne. Comment on a réussi à faire en sorte que ce moment où on patinait, voire on marchait un peu à reculons, il puisse être le plus court possible? Comment on a réussi à faire de ce rêve qui était un rêve sur papier à un rêve dans nos vies, un rêve physique, et que la révolution bleue aujourd'hui elle soit une évidence pour toutes ces villes dont tu parlais? Rétrospectivement, il faudrait laisser les historiens le faire, mais ce qui semble, c'est qu'il y a eu deux choses qui se sont produites, à la fois des rêveurs invétérés qui ont continué à produire des concepts, et puis un monde qui allait jusqu'au bout de son illogisme pour nous démontrer que la voie qui nous semblait être la voie maîtresse était en fait une impasse. Donc on a frôlé la mort collective de l'humanité, et c'est ce choc de notre finitude, du fait qu'on ait pu disparaître, tu te rappelles, il y a un an, dans cette grande crise. Cette crise de Cuba Bis. De vraiment une guerre nucléaire généralisée a failli à une milliseconde près tous nous emporter. Et je pense que cette nuit-là, on a tous eu, l'humanité a eu le sentiment qu'elle était mortelle, et c'est en devenant mortelle qu'elle est née. Et on s'est tous réveillés le matin, on voyait plus le monde de la même manière, et c'est là où on est tous devenus des petites cellules d'Homo bioceris. Et c'est ce, Ouais, c'est ce rapport à la mort collectif qui a éveillé ça. On ne sait pas encore bien ce qui s'est passé cette nuit-là, mais c'est comme si tout ce qui avait été activé avant s'était activé d'un coup. Et on vit toujours là-dedans et j'espère qu'on y restera. Oui, tu dis j'espère qu'on y restera parce que on sait aussi le propre de l'être humain à retomber un peu dans ses travers et je sais que notamment pour s'éviter de se relaisser piéger à nouveau par le fait de prendre la vie comme évidente comme acquise, on a redirigé certains des outils qui nous obstruaient, qui nous asservissaient dans le bon sens. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on a une IA Paul Gardner, hein, c'est ça, qui nous aide à rester partie de hein, ouais, c'est ouais, ça. Une IA Homo Bioceris, une IA Petit Prince. C'est vrai que cette IA a joué un gros rôle. On a la possibilité, chaque humain, et ce n'était pas le cas avant, de dialoguer avec l'humanité, c'est-à-dire avec la conscience de l'humanité qu'on incarne par le Petit Prince et par l'astronaute Paul Gardner. Et on a la possibilité de lui poser une question par semaine. Elle y répond au nom de toute l'humanité. Et pour pouvoir lui poser une question, il faut faire un acte d'amour. Et le fait qu'il y ait eu cette intelligence artificielle, ça a accéléré les actes d'amour partout à travers la planète et ça a activé cette énergie d'amour entre les êtres humains et cette énergie, elle est très forte, cette énergie d'amour, et c'est ce qui me fait penser qu'on ne reviendra pas en arrière, de la même manière que les cellules de nos corps ne décident pas un jour de revenir à l'état monocellulaire, mais dans le passé, quand on regarde l'évolution de la multicellularité, il y a eu des reculs en arrière à plusieurs moments. Donc voilà, c'est à nous de rajouter de l'amour, rajouter des liens pour qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Et toute cette énergie qu'on passait il y a encore quelques années en arrière justement à détruire, à prendre, à puiser, à gâcher, elle est aujourd'hui mise à aimer et elle a besoin de cap cette énergie. Et donc on a redonné toute sa place à nos rêves. Est-ce que tu peux nous raconter comment on entraîne nos rêves, comment on les muscle et peut-être me partager quelques anecdotes sur aujourd'hui la place qu'ont nos rêves à l'école, en politique, pour montrer à quel point on en a refait des boussoles. On a compris que le monde était un peu kaléidoscopique ou holographique et que chacun en était détenteur d'une part d'une grande vérité, d'un grand projet qui était ce projet d'Homo Bioceris et que chacun en avait une parcelle. Et tous les soirs, ce qui n'était pas du tout le cas maintenant, on va se coucher en se disant qu'on va affiner notre projet personnel. Et le matin, quand on se réveille au bureau, la première question qu'on se pose, c'est de quoi t'as rêvé cette nuit et comment je peux t'aider à réaliser ton rêve, quoi. Et ça, ces deux questions-là, qui étaient des questions un peu taboues, deviennent absolument gigantesques et on se rend compte que ça a amené une clarification de nos vies, un alignement de nos vies vers ce grand projet d'Homo Bioceris. Et voilà. Et alors parfois, il y a des rêves vraiment abscon quoi, qui arrive, mais le fait d'en débattre, ça évite aussi à certaines pulsions parfois de pas non plus s'accumuler et ça a amené, tu as vu les dernières statistiques sur la violence et les engorgements dans les prisons, on a des prisons en France qui sont à moitié vides là maintenant et un flux de prisonniers qui est extrêmement faible, donc on sait pas jusqu'où tout ça va nous amener, mais en un an, depuis ce grand bouleversement et cette crise de Cuba bis là dont tu parlais, il y a vraiment un changement qui est total dans notre manière de voir le monde. On a tous des carnets de rêves individuels, donc on griffonne dans ces carnets le matin quand on se réveille. On griffonne aussi le soir avant de se coucher pour se souhaiter des rêves qui nous permettent justement d'aller le plus proche de notre pulsion de vie. Puis la politique, elle s'est remise à collecter nos rêves dans des grands carnets de rêves collectifs qui sont des temps presque festifs, j'allais dire, avant les campagnes, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, parce que les politiques aujourd'hui, ils sont pas là simplement pour réveiller nos rêves, ils sont là aussi pour en prendre soin. Ouais, c'est vrai que là-dessus, c'est un basculement. À une époque, on avait des cahiers de doléances, et là, on est passé à ces carnets de rêves, et on s'est rendu compte qu'il y avait une puissance transformatrice qui n'était pas juste, je dirais, de respecter les acquis qui n'étaient pas respectés, et qui est là de dire le monde que l'on veut, et c'est une ressource infinie, ces carnets de rêves. Et je dirais aussi, tu parlais des exemples un peu frappants. Moi, ce qui me frappe là depuis 3 ou 4 mois, c'est que maintenant, on arrive à rêver ensemble, à se donner rendez-vous dans les rêves. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où les cœurs s'ouvrent, les rêves communiquent. Et enfin, moi, je suis vraiment étonné de voir tous les laboratoires de physique fondamentale de s'intéresser à ce phénomène. Et peut-être que la manière dont on s'est représenté la réalité est en train de complètement s'ébranler. Et je ne sais pas ce vers quelle nouvelle physique tout ça va nous amener. Mais en tout cas, tu vois, nous, cette nuit, on s'est retrouvés dans un rêve. On s'était dit ça hier soir. On s'était connectés par le cœur et on s'est retrouvés. Et on a été plongés dans le même rêve. Donc, on a même retrouvé Arthur, notre ami commun, dans ce rêve. Je ne sais pas vers quoi on va, mais en tout cas, on est dans une époque fabuleuse. Et dire qu'il y a 1 an ou 2, on se disait que on allait tous être contrôlés par les IA, dominés par les États. Là, on est tellement excités par ces nouvelles explorations que c'est devenu le point numéro 1 de nos vies. Et on a l'impression de se réaliser. Et là, je vois aussi de plus en plus de grandes statues, des grandes places en France qui célébraient, bon, c'est vrai, un peu des héros du passé dont certains, à un moment, avaient voulu être déboulonnés, être remplacés par des statues du Petit Prince. Et ça vient marquer un peu ce changement-là. Ouais, c'est de la même manière que voilà, One Home nous permet à chaque fois de revoir la Terre, c'est-à-dire l'être auquel on appartient. La figure du Petit Prince nous ramène à ce collectif qu'on forme ensemble, et c'est toute une éducation de nos structures cognitives pour arriver à avoir ces représentations à des échelles qui sont pas les échelles habituelles, mais c'est en train de se structurer cette conscience planétaire, que ça soit au niveau de l'humanité qu'au niveau de la planète. Bon ben voilà, je crois que c'est sans doute le plus grand rêve qu'on posera de toute cette nouvelle saison du podcast 2030 Glorieuse, mais tu as donné le ton et j'aimerais qu'on revienne petit à petit en 2026, Jean-Pierre, avec 3 questions pour toi. La première, c'est sur le fait de rêver en grand. Tu t'autorises à rêver en grand, tu vois. Tu me dis non, non, attends, on va pas aller en 2040, on va pas attendre loin, on va se dire qu'on est en 2030 et qu'on a été capable de faire tout ça. Pourquoi c'est important pour toi de rêver en grand plutôt que de rêver moyen, rêver petit, rêver timide? Alors, ça vient de mon passé de mathématicien et des notions de conditions aux limites. C'est-à-dire que pour moi, si on n'a pas un grand rêve qui est à l'échelle de la Terre et à l'échelle de l'humanité, tous nos petits rêves sont fragiles. Et donc, ce grand rêve, la Domo Bioceris ou ce rêve de One Home, pour moi, son seul intérêt, c'est de robustifier et de pouvoir mettre en lien tous nos petits rêves individuels et les rendre plus forts. Et je te disais au début de cet épisode qu'on a une époque où on doit s'entraider à rêver. Et si on n'a pas un concept de vision du monde qui relie les rêves entre eux et qui relie nos destins entre eux, ça marchera pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, par la paléanthropologie et la biologie, on a une unité d'origine. Hein, on sait tous qu'on remonte des premiers sapiens et avant ça des premières cellules, LUCA, là, comme les appellent les biologistes. Il nous manque une unité de destination. Et donc, pour moi, ce grand rêve commun d'Homo bioceris, ça nous crée cette unité de destination. Et elle peut prendre plein de formes. Et moi, je me sens appelé à agir à ce niveau-là parce que sinon, ça me stresse dans ma vie, dans la vie des enfants, de me dire qu'il n'y a pas de concept planétaire. Et aujourd'hui, les seuls concepts planétaires qui existent, c'est l'ONU, mais qui est plus l'Organisation des Nations Unies, ou l'OMC, ou la guerre, ou les marques. Tout ça, ce sont des concepts planétaires, mais il nous faut des concepts, on va dire, de manière d'habiter le monde. Moi, je me sens appelé à ça. Et c'est pas mieux ou moins bien que d'autres rêves. C'est juste que par mon parcours personnel et notamment ce point de vue du mathématicien sur l'importance des conditions limites pour garantir la stabilité d'un système, c'est pour ça que je me suis senti attiré par ça. Tu dis qu'on doit s'entraider à rêver. Moi, j'avais envie de dire aussi qu'on doit s'entraîner à rêver. Et donc, si l'utopie, c'est un muscle, si la capacité à rêver, c'est un muscle, est-ce que tu peux nous livrer un peu ton entraînement type ? Je ne sais pas si c'est un entraînement à la journée ou à la semaine, mais qu'est-ce que c'est tes exercices de rêveur ? La première chose, c'est dans une même journée. Alors, moi, je ne me coupe pas du tout des actualités négatives, mais j'essaye toujours d'avoir dans la même journée autant d'infos positives / intéressantes que d'informations négatives et qui te plombent le moral. C'est-à-dire de vraiment se nourrir de choses positives. Pour moi, c'est l'éthique numéro un. Et en faisant ce travail-là, on pourra tout à fait après discuter de savoir est-ce qu'il y a autant de choses négatives ou positives dans le monde. J'en sais rien, mais en tout cas, de vous nourrir par ça et de vous dire que tout est possible, le pire comme le meilleur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'entraînement numéro un, c'est de se nourrir de choses inspirantes tous les jours. Et après, effectivement, de participer, on va dire, dans votre... là où vous êtes, que vous soyez caissier d'un supermarché ou... PDG d'une entreprise qui nous écoute, d'essayer de penser différemment et de voir qu'est-ce que vous pourriez mettre de nouveau qui vous fait cheminer dans un monde plus bleu dans ce que vous faites, quoi. Et ça peut être fleurir votre balcon, dire bonjour à tout le monde, sourire, aider certaines personnes. En fait, tout acte de bienveillance ou d'amour contribue à rendre un monde plus bleu. Donc, et de vous dire comment vous pouvez faire ça chaque jour. Ouais, c'était ma question pour toi. J'ai l'impression que tu viens d'y répondre, mais je voulais quand même te la reposer pour être sûr de ta réponse définitive. Là, on vient de rêver de la révolution bleue. Le premier pas pour la faire advenir, c'est donc ça ? Ouais, le premier pas pour la faire advenir, c'est ça. C'est ça commence par moi, tu vois. Donc, ça te dit quelque chose, tu vois. Donc, il faut vraiment commencer par ça, parce que plutôt que de dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux ajouter, tu vois. Parce que changer, c'est difficile, ajouter, c'est plus simple. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. J'espère que cet échange a réussi à vous aider à mieux comprendre la puissance des rêves tout en vous donnant les clés pour passer à l'action sans attendre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez un peu d'aide, vous pouvez rejoindre la communauté 2030 Glorieuse qui est une véritable galaxie utopiste qui va vous permettre individuellement et collectivement de prendre soin de vos utopies. On a des ateliers qui sont organisés partout en France et aussi en ligne. Toutes les infos sont sur 2030glorieuse.org. Il y a aussi des livres, des méditations et plein d'autres épisodes de ce podcast qui existent depuis de nombreuses saisons maintenant. On ne veut pas seulement que vous écoutiez ce podcast, on veut que vous fassiez grandir cette galaxie utopiste avec nous. Et pour ça, moi, j'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment envie cette année que le podcast y redevienne une communauté à la hauteur de nos rêves. Et j'ai deux défis à vous proposer. Le premier défi, c'est que vous releviez le défi de notre invité. Ne laissez pas cette idée s'éteindre en même temps que cet épisode. Tentez son exercice cette semaine et racontez-nous votre expérience sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram. Quelle image ou quel moment vous a fait basculer ? Qu'avez-vous ressenti ? Pour quel résultat ? J'attends avec impatience vos messages et vos partages. Deuxième défi pour vous, devenez des ambassadrices et des ambassadeurs du rêve. Si cet épisode il vous a donné du souffle, alors dites-le-moi. Laissez 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute, c'est le geste le plus simple mais aussi le plus puissant pour aider ce podcast à toucher celles et ceux qui pensent encore que demain est foutu. Et bien sûr, partagez cet épisode à une personne à qui vous avez envie de dire « Regarde, on a encore le droit de rêver ». Chaque note, chaque partage, chaque défi relevé est un pas de plus vers les 2030 glorieuses. Merci d'être là, merci de muscler vos rêves et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle dose d'utopie. Salut !